Ce soir, je vois clair les réalités qui errent autour de la sphère, dans l'atmosphère calvaire. Pourquoi autant de misère, de pauvreté, d'insolubre réalité? Où sont passés les peace and love du passé? Je pense qu'ils sont tous morts du LSD. Que s'est-il passé? On a déjà oublié qu'on est né pour aimer. Check it, aucun bébé est né avec un gun ou une épée. Donc pourquoi la personne sur quatre est armée? Et une arme, à chaque 4 secondes est fabriquée. La réalité, c'est que l'argent passe avant la vie humaine. Monsieur Smith et Wesson devaient avoir des pensées malsaines, remplies de haine, tout comme Monsieur Remington, Monsieur Colt et Magnum. Car aujourd'hui, tout le monde a un gun. T'as le maximum respect pour le maximum bad boy. Real bad boy. Bad boy, bad boy. T'as le maximum respect pour le maximum bad boy. Real bad boy. Bad boy, bad boy. T'as le maximum respect pour le maximum bad boy. Real bad boy. Bad boy, bad boy. T'as le maximum respect pour le maximum bad boy. C'est drôle d'entendre les gangsters, les no joke, dire qu'ils sont des tough, rough, des no bluff. Et c'est stupide, c'est leur sneakers, it's smoke. C'est une vraie joke. Premièrement, ils restent encore chez leurs parents. Puis quand la police passe, ils jouent à cache-cache. Quand la mère a besoin de cash, ils jouent à cache-cache. Quand leur blonde a besoin d'amour, ils jouent à cache-cache. Puis quand c'est le temps de payer les bills, ils n'ont jamais de cash. Si ce sont un gangster, je vais être un vidangeur. Au moins, je payais à l'heure. Puis quand la police passe, je peux leur faire un finger. Quand ma mère a besoin de cash, je travaille extra hour. Puis quand ma blonde a besoin d'amour, je me lave. Pis j'y fais l'amour. Pis quand c'est le temps de payer les bills, ben j'y paye pis j'chill. Kid, y'a pas de sous-métier, les no joke, les vrais gangsters sont ceux qui peuvent payer leurs factures, protéger leur famille, vivre avec équilibre, vivre et laisser vivre sans folie, mentir, tromper, tricher, tuer, piller, dominer, négliger, anyway. T'as le maximum respect pour le maximum bad boy. T'as le maximum respect pour le maximum bad boy. Bad boy, bad boy. T'as le maximum respect pour le maximum bad boy. Bad boy, bad boy. T'as le maximum respect pour le maximum bad boy. Mais en 95, c'est la mode d'avoir un gun. Comme si c'était le fun, tout le monde veut être des tough rough dans une gang. Le roi de la montagne, équipé d'armes. 12, 22, 25, 44, 45, 9, double M, tech, plus 1. Hoosies, night sleeper, creeper, semi ou automatique, c'est tragique. Stop ton bluff, la jeunesse clique, les parents paniquent. Les flics évitent vite la vraie problématique. Sous prétexte que c'est la jeunesse qui trippe comme un pneumatique. Mais même, personne n'est né avec autant de haine, de peine qui saigne. C'est le monde dans lequel on vit qui nous rend même. À tous les jours, c'est la même affaire. Y'a toujours un cave qui veut te voler tes affaires. Une gang qui veut te baigner. Ou un copse qui cherche à t'écœurer. Ramène ton bolesse, man. Je te jure. Mais yo, man, un vrai maximum bad boy, c'est quelqu'un qui réussit à survivre dans le système dans lequel on vit. De 9 à 5, de 5 à 9. Garder sa job, payer ses comptes, fermer sa gueule. Puis son maximum bad boy qui font du cash. Cash, money, money. The double S, baby. Baby. Hey, Casey, it's Casper from California. Hey, guess what, boo? I'm coming to New York. I'm leaving here the 27th of this month, and I'm going to be over there in New York at 11:37 p.m. at New York Airport. And then I'm going to go to, if you know where this is at, okay, I'm going to the Lowe's Hotel, L-O-E-W-S Hotel. And I'm going to be in New York, and I want to see you because I miss your ass. So please get in touch with me. My number out here right now is 213. All right, sweetie, please get in touch with me. I want to see you. I miss you. You're my nigga. Okay. Bye-bye, baby.